الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد لقد رفع الله شأن العلم وأهله فقال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ألا واعلم يا عبد الله أن شرف العلم بشرف المعلوم لذا كان أعظم العلم معرفة الله بأسمائه وصفاته عباد الله من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة لأن النفوس مجبولة إلى محبة الكمال والله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في أسمائه وصفاته الكلام في أسماء الله سبحانه وتعالى فيه حياة للقلوب الميتة وشفاء للقلوب السقيمة المريضة يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هذه في هذه الآية الكريمة إخبار من الله عز وجل أن له أسماء وصفات وأن حسنى أي بالغة في الكمال غايته بالغة في الحسن غايته لا نقص فيها بوجه من الوجوه ثم أمرنا سبحانه وتعالى أن ندعوه بها دعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه أعظم الدعاء لذا كان أدعية النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بأسماء الله تبارك وتعالى فعلى المسلم أن يتفقه في هذا الباب وأن يعلم أسماء الله ومعانيها حتى يدعو الله بها كما أمره ربه ومن أعظم أسماء الله عز وجل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله بها الحي القيوم الحي القيوم وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذين الاسمين في كتاب الكريم في ثلاث سور من القرآن الكريم فقال في سورة البقرة في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال في سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال عز من قائل في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم فعلى المسلم أن يعرف هذين الاسمين ومعناهما حتى يدعو الله بها ويعمل بهما أما معنى اسم الحي في إثبات للحي في إثبات صفة الحياة لله سبحانه وتعالى هذا الاسم متضمن لحياة الله الكاملة لا نقص فيها ليست مسبوقة بعدم ولا يلحقها زوال ولا فناء لا يعتريها النقص ولا عيب جل ربنا وتقدس عن ذلك حياة تستلزم كمال صفاته سبحانه وتعالى من علمه وسمعه وبصره وقدرته وفعله ما شاء، ومن لوازم كونه هو الحي، ومن لوازم كونه هو الحي ذو الحياة الكاملة كونه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، العبادة الظاهرة والعبادة الباطنة. قال سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما الحي الذي لا يموت، أما الحي الذي يموت وهو المخلوق لا يستحق أن يعبد، وكذلك الميت الذي ليس بحي أصلا كيف تعبد أو تتوجه إلى من خلق من العدم ومآله إلى الزوال؟ بل أخلص الدين كله لله رب العالمين، بل أخلص الدين كله لله الحي الذي لا يموت. كل نفس ذائقة الموت إلا رب العزة والجبروت. فالحي الذي لا يموت هو المستحق للعبادة، لذا قال ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فاستدل الله سبحانه وتعالى على كونه هو المستحق للعبادة باسم الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى: هو الحي الذي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحي أو حي اليوم هو حي البارحة، فالحي الذي نعبده هو الذي عبده آدم، وهو الذي عبده نوح، وهو الذي عبده إبراهيم، وهو الذي عبده نوح في زمنه وكذا إبراهيم، وهو الذي عبده موسى في زمنه، وهو الذي عبده عيسى في زمنه، وهو الذي عبده محمد صلى الله عليه وسلم. هو الحي الذي لا يموت، لا إله إلا هو. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الحي الذي لا يموت، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وعند أكبر مصيبة أصابت الصحابة، وعند أكبر مصيبة أصابت الأمة الإسلامية، أعني موت الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءهم الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه وذكرهم بهذا الاسم العظيم، فقال: أما بعد، فإن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فلم يتكلم كثيرا، لكن ذكرهم بهذا الاسم العظيم، بهذا الاسم العظيم. فإذا كان أفضل المخلوقات بل أفضل الخلق أجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قد مات، لكن الله سبحانه وتعالى الذي هو ربه وخالقه هو الحي الذي لا يموت، لذا كان مستحقا للعبادة وحده لا شريك له. أما اسم الله القيوم، في إثبات صفة القيومية، وهي كونه سبحانه وتعالى قائما بنفسه مقيما لغيره من خلقه. وهذا الاسم دل على أمرين: الأمر الأول كمال غنى الرب سبحانه وتعالى، فهو القائم بنفسه الغني عن خلقه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كما يدل هذا الاسم على كمال قدرته وتدبيره لهذه المخلوقات، فهو المقيم لجميع المخلوقات تبارك وتعالى بقدرته جل وعلا، وجميع المخلوقات مفتقرة إليه بحاجة إليه، فقيرة إليه، فقرا ذاتيا لا غنى لها عنه طرفة عين. حتى السماوات والأرض، هذه المخلوقات العظيمة بحاجة إلى رب العالمين. قال سبحانه وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وقال تعالى: كل يوم هو في شأن. في إظهار افتقار العبد إلى الله سبحانه وتعالى في كل يوم وفي كل حين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا أسماءه وصفاته. الحمد لله رب العالمين، له الأسماء الحسنى وصفات العلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: أنا أعلمكم بالله ثم أما بعد. Sachez mes frères qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé énormément la valeur de la science, ainsi que les gens qui ont étudié le Coran ainsi que la Sunna. Puis sachez après cela que la valeur de la science est en fonction de ce que tu étudies. Et la meilleure chose que tu puisses étudier, c'est les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui connaît Allah par ses noms et ses attributs l'aimera et il n'aura aucune issue face à cela. Car l'âme se dirige tout naturellement vers la perfection. Et Allah, tous ses noms ainsi que tous ses attributs ont la perfection complète, totale. Lorsqu'on parle d'Allah et on apprend à le connaître, il y a dans cela la vie pour les cœurs morts. Il y a dans cela une guérison pour les cœurs malades. Il y a dans cela une guidée pour toute personne égarée. Il y a pour cela un remède à toutes les maladies. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et c'est Allah qui appartient les plus beaux noms, invoquez-le donc avec. Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne dans ce verset d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala selon ce qui découle de ses noms. Et il y a deux manières de l'adorer à travers ses noms. La première chose, c'est le fait de l'invoquer en prenant un de ses noms en concordance avec ton besoin. Par exemple, si tu as besoin de la subsistance, tu vas dire Ya Razzaq, urzuqni. Si tu as besoin qu'Allah te pardonne, tu vas dire Ya Ghaffar, irfirli. Ya Rahim, irhamni. Wa hakadha. Tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala et tu cites dans ta demande le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va dans le sens de ta demande. La deuxième façon d'adorer Allah par ses noms et ses attributs, c'est d'agir en fonction de ce que contiennent ses noms comme sens. Par exemple, si tu sais que parmi les noms d'Allah il y a Al-Basir, celui qui voit tout, bah tu ne vas pas lui désobéir car tu sais qu'il te voit. Tu vas plutôt aller dans les endroits louables car tu sais qu'il te voit et qu'il te récompensera. Si tu sais que parmi les noms d'Allah il y a Al-Sami', celui qui entend tout, bah tu vas retenir ta langue de toute mauvaise parole. Et tu vas dire de bonnes paroles comme lire le Coran et faire du dhikr car tu sais qu'Allah c'est Al-Sami'. Si tu sais qu'Allah c'est At-Tawwab, celui qui pardonne tous les péchés, ben dès que tu vas tomber dans un péché, tu vas revenir vers lui et tu vas lui demander et tu vas demander à ce qu'il te pardonne tes péchés. Si tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit tout et entend tout, ben tu l'adoreras à la perfection avec Al-Ihsan wa hakadha. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous apprend qu'il a des noms et des attributs et que ces noms la perfection, la perfection au-dessus de laquelle il n'y a pas d'autre perfection. Car ils contiennent des attributs parfaits ne contenant aucun manque ni aucun défaut. Puis Allah nous ordonne dans ce verset de l'invoquer. Puis Allah nous ordonne dans ce verset de l'invoquer. Et celui qui médite les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se rendra compte de l'importance des noms et attributs d'Allah. Car pratiquement toutes les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam contenaient des noms ou des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. À partir de cela, on comprend l'importance de ce chapitre, la connaissance d'Allah à travers ses noms et à travers ses attributs. Celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs l'aimera. Et cela lui vaudra l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme dans le hadith de l'homme qui était en voyage et qui récitait toujours à la fin de ses prières Qul huwallahu ahad. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il faisait cela, il a répondu, j'aime cette sourate car elle décrit le tout miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, informez-le qu'Allah l'a aimé, tout comme il a aimé cette sourate. Donc la connaissance d'Allah à travers ses attributs a la plus grande importance. Et celui qui médite le Coran, il verra que la plupart des versets contiennent les attributs d'Allah ainsi que ses attributs. Bien plus que ses ordres et ses interdits, et bien plus que la description du paradis. Donc ce chapitre-là est un chapitre énorme. Et les deux noms qu'on va étudier ici, et qu'on va définir ici, c'est Al-Hayy et Al-Qayyum. Le vivant, Al-Hayy. Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même, et celui dont personne ne peut se passer. Allah a cité ces deux noms dans trois sourates du Coran. Dans sourate Al-Baqarah, dans Ali Imran et dans sourate Taha. Dans le verset du trône, Allah nous dit, c'est lui le vivant. Ou bien nous dit, Allahu la ilaha illahu. Allah, nulle divinité ne mérite véritablement d'être adoré si ce n'est lui. Le vivant, celui qui subsiste par lui-même et par lequel tout subsiste. Il nous dit la même chose dans sourate Ali Imran, et il nous dit dans sourate Taha, et les visages s'humilieront devant le vivant, celui qui subsiste par lui-même, et celui sans qui personne ne peut subsister. En ce qui concerne le sens du nom El-Hayy, le vivant, c'est celui qui a la vie parfaite, la vie complète, ne contenant aucun manquement, aucun défaut, une vie qui n'est pas précédée du néant, une vie qui ne sera pas suivie par une mort, contrairement à nous. On a été créé, on n'existait pas. Et cette vie-là a des manquements, on tombe malade. Et cette vie-là sera suivie par la mort. Et ensuite on sera ressuscité. Par contre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est El-Hayy, le vivant, qui a l'attribut de la vie complète, la vie parfaite. Il n'a pas été créé. Il ne vient pas du néant, il a toujours existé subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas malade, tous ses attributs sont parfaits. Il n'a aucun manquement, il est parfait tabaraka wa ta'ala. La vie complète, la vie qui ne sera pas suivie par une mort. Il ne dort pas, il n'est pas sujet à la somnolence. Pourquoi tout cela? Car il a la vie parfaite tabaraka wa ta'ala. Et s'il a la vie complète et la vie parfaite, cela comprend qu'il a la science parfaite, et qu'il a la vue parfaite, et qu'il a lui parfait, et qu'il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Car s'il n'avait pas tout cela à la perfection, il n'aurait pas eu la vie complète, subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses qui découlent de cela, le fait qu'on dise qu'Allah est le vivant ayant la vie complète, il y a le fait qu'on doit l'adorer seul sans rien lui associer. On doit l'adorer seul sans rien lui associer, subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, et placez votre confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Placez votre confiance dans le vivant qui ne meurt jamais. Par contre, celui qui meurt parmi les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, il ne mérite pas que tu l'adores. Il ne mérite pas que tu te diriges vers lui, car il va mourir. Car il va mourir et n'a pas la vie complète. Et comment est-ce qu'on pourrait se diriger vers une créature et vers une chose qui va mourir et qui a été créée? On doit unifier Allah de par notre culte, car c'est le vivant qui ne meurt jamais. Toute âme goûtera à la mort, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, le vivant, celui qui mérite entièrement toute l'adoration. C'est pour ça qu'Allah nous dit dans son livre, c'est lui le vivant. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée. Adorez-le donc d'un culte sincère. Gloire à lui, le Seigneur des mondes. C'est le vivant d'hier, le vivant d'aujourd'hui et le vivant de demain. C'est le vivant qu'a adoré Adam alayhi salam à son époque. C'est le vivant qu'a adoré Nuh alayhi salam à son époque. C'est le vivant qu'a adoré Ibrahim, Moussa, Isa et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces prophètes là sont morts après avoir adoré Allah azza wa jal. Mais lui, la divinité unique qui ne meurt jamais, n'est pas mort et il a été adoré. Et c'est l'adoré de toute époque. Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une de ses invocations disait Anta al-hayy. Tu es le vivant qui ne meurt pas. Or que les djinns, les démons et les hommes sont voués à la mort. Sont voués à la mort. Et lors de la plus grande épreuve qui a touché la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a touché les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiallahu anhu est venu et a calmé les compagnons. Et il n'a pas fait un long discours pour calmer les gens. Et il n'a pas parlé longuement. Mais il est venu et a dit aux gens, celui qui adorait Mohammed, qu'il sache que Mohammed est mort. Mais celui qui adore Allah, sachez qu'Allah est le vivant qui ne meurt jamais. Sachez qu'Allah est le vivant qui ne meurt jamais. Et avec cette parole-là, en citant le nom d'Allah, El Hayy, les compagnons se sont tranquillisés et ont accepté l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne le nom d'Allah, El Qayyum. El Qayyum veut dire celui qui subsiste par lui-même. Et celui qui s'occupe des autres. Et dans ce nom, il y a deux sens à retenir. Le premier, c'est qu'Allah a besoin de personne. Il subsiste par lui-même. Il n'a besoin de l'aide de personne, subhanahu wa ta'ala. C'est le riche qui se passe de l'ensemble de ses créatures. Allah dit dans le Coran, ô vous les gens, vous êtes les pauvres devant Allah, vous êtes dans le besoin d'Allah, et Allah lui est le riche, le digne de louange. Allah n'a besoin de personne, car c'est Al-Qayyum. Deuxièmement, ce nom-là nous indique qu'Allah a la perfection dans sa force, a la perfection dans la gérance, et la perfection dans tout ce qu'il fait et administre. C'est le seul gérant et il a besoin de personne. Tout le monde a besoin d'Allah, Azza wa Jal, et lui n'a besoin de personne, car c'est Al-Hayyul Qayyum. Personne ne peut se passer d'Allah, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Tabaraka wa ta'ala. Même les créatures les plus énormes, comme les cieux et comme la terre, sont dans le besoin d'Allah. Allah nous dit dans le Coran, Allah retient les cieux et la terre afin qu'ils ne disparaissent pas. Et Allah nous dit dans le Coran, chaque jour, il s'occupe d'une chose. Chaque jour, il s'occupe d'une chose. Pourquoi cela? Car le serviteur est constamment dans le besoin d'Allah Azza wa Jal. Il a besoin de sa subsistance. Il est malade, il a besoin qu'Allah le guérisse. Il a besoin d'augmenter sa foi. Il a besoin qu'Allah réponde à ses invocations. À chaque minute, à chaque instant, tu es dans le besoin d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais lui, Allah Azza wa Jal, Al-Hayyul Qayyum, n'a besoin de personne. Et sache qu'en étudiant les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas l'aimer et tu vas recevoir son amour, Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça suffit pour nous montrer l'importance de l'étude de ce chapitre-là, qu'il fait partie d'une des catégories de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. La foi en Allah azza wa jal se compose de 6 piliers. Et le premier pilier, c'est al-iman billah. Et parmi l'iman billah, al-iman bi asma'ihi wa sifatihi. Le fait d'avoir foi en ses noms et en ses attributs. Et pourquoi Allah azza wa jal a cité al-hayy avec al-qayyum dans trois versets du Coran? Car toute chose qui est vivante a besoin d'autre chose. Toute chose qui est vivante a besoin qu'on s'occupe de lui, a besoin qu'on l'aide, a besoin qu'on prenne soin de lui. Sauf Allah Azza wa Jal, car lui c'est El Hayy et c'est en même temps El Qayyum. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana ma jahilna wa an yuwaffiqana ila kulli khayr. Allahumma salli ala Muhammad. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله. Et avant de finir, je voudrais faire une remarque. On avait cité à plusieurs reprises dans le Jumu'ah que la personne qui entre dans la mosquée, elle commence par remplir les premiers rangs. Puis le rang qui suit. Et on remarque au fil des Jumu'at qu'on oublie beaucoup. Et on voit certaines personnes rentrer dans la mosquée et s'asseoir au fond. Et ça pose un problème pendant le khutbah. Car les gens qui arrivent par la suite, ceux qui par exemple sortent du travail et ainsi de suite, ne trouvent pas de place pour entrer dans la mosquée. Or qu'il y a de la place à l'intérieur. Mais le fait que vous asseyez derrière et près des portes, ben ça empêche les gens de rentrer. Et il y a beaucoup de mafasides à cela, car des responsables de la mosquée me font des gestes pendant que je donne el-khutbah. Et sans aucun doute, cela me gêne énormément. Mais si nous ne faisons pas preuve de bon comportement, ils sont obligés d'agir comme cela. Et lorsqu'ils disent aux personnes d'avancer, il faut leur obéir. Car s'ils sont debout tout au long de la khutbah, c'est pour la maslaha amma, c'est pour le bien commun des gens qui se trouvent dans la mosquée. Donc lorsqu'ils disent aux personnes d'avancer, vous devez de leur obéir. Barakallahu feikum. Et la dernière remarque, c'est que lorsqu'on voit ce grand nombre là à la sortie de la mosquée, vous voyez des gens debout pour récupérer vos sadaqat, pour récupérer votre bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a facilité. Et ces gens là lorsqu'ils sont debout et vous demandent de vos bienfaits qu'Allah vous a facilité, ça n'est pas pour le garder pour eux, mais c'est pour qu'on puisse construire une mosquée afin d'adorer Allah azza wa jal d'un culte sincère. Et on est proche de 800 personnes ou 2000 personnes dans la mosquée. Si chacun donnait 1 euro à chaque Jumu'ah, il y aurait plus de 1000 euros. Et on voit qu'au Jumu'ah passé, il y a 580 euros. Dans des mosquées qui prennent 500 personnes, ils prennent 1000 euros. Et dans notre mosquée où il y a près de 1000 personnes, on n'arrive pas à dépasser 600 euros. Fattakullah ya ibadallah. Et sachez que tout ce que vous dépensez, c'est fisabilillah et qu'Allah vous remplace. Et qu'Allah vous remplace. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, jamais une aumône n'a diminué la richesse d'une personne. Jamais une aumône ne fait diminuer ton argent. Et lorsqu'une personne donne une sadaqa, il y a un ange qui fait dua pour lui et qui dit, ya Allah, remplace-lui son argent. Et le prophète sallam nous dit, préservez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant en sadaqa la moitié d'une dat. La moitié d'une dat. Tu donnes en sadaqa la moitié d'une dat, ça peut être une cause pour éviter l'enfer. Une cause pour éviter l'enfer. Il y a une femme prostituée que le prophète sallam nous dit qu'elle a donné à boire un chien affamé. Allah lui a pardonné tous ses péchés. Et l'a fait rentrer au paradis. Pour avoir donné à boire un chien. Alors que dire de celui qui va dépenser de son argent pour la mosquée d'Allah tabaraka wa ta'ala. As'alullah an yuwaffiqana ila kulli khayr walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا